Chica, I'm over the cocaína. C'est pas une billette, tu connais bien plus que le million. Elle est trop mignonne, mais plus déjà volé que je t'aime. Et pour son pétard, bande la car sort le métal. Anna Maria, Hernandez, la muñeca. Et quand elle se dérange, c'est pire qu'ouragan Katrina. Mira, mira, sous son bison Valentino. C'est du haut niveau, même si tu fais avec tes gilons. Dominique, elle aime les cafards de Brina. Elle aime le pouvoir dominant comme Donnarumma. Tous ces pétasses veulent avoir la même image. Elle voit, tout ça reste dans la ville. Chica, chica, amoureux de cocaïne. C'est pas une billette, elle connaît bien plus que le million. Elle est trop mignonne, mais plus diabolique que Chetan. Et pour son pétard, parler la carte sur le même. Oh ma chica, tu prends tout pour cocaïne. C'est pas une billette, elle connaît bien plus que le million. Chica, chica, amoureuse de cocaïne. C'est pas une billette, elle connaît bien plus que le million. Elle est trop mignonne, mais plus diabolique que Chetan. Et pour son pétard, bande la terre, sort le métal. Oh ma chica, tu ferais tout pour cocaïne. C'est pas une billette, elle connaît bien plus que le million. Elle est trop mignonne, mais plus diabolique que Chetan. Et pour son pétard, elle a